Al-Hayat Media Center presents Mécréant de l'humanité, nous renions vos divinités. De Bouddha à la Trinité, c'est la guerre pour l'éternité. Mécréant de l'humanité, nous renions vos divinités. De Bouddha à la Trinité, c'est la guerre pour l'éternité. Allah Naja, mes enfantés, vos religions sont inventées. Sur les messages et vous mentez, nos sabres vont argumenter. Allah Naja, mes enfantés, vos religions sont inventées. Sur les messages et vous mentez. Nos sabres vont t'argumenter. Un message aux associateurs, égarés falsificateurs, faux religieux, innovateurs, qui ont renié le créateur. Un message aux associateurs, égarés falsificateurs, faux religieux, innovateurs, qui ont renié le créateur. Le choc des religions s'accroît, l'idolâtre sera la proie. Oh, ils nous briseront la croix, le juif aussi y aura droit. Le choc des religions s'accroît, l'idolâtre sera la proie. Oh, ils nous briseront la croix, les juifs aussi y aura droit. Mécréant de l'humanité, nous renions vos divinités. De Bouddha à la Trinité, c'est la guerre pour l'éternité. Mécréant de l'humanité, nous renions vos divinités. De Bouddha à la Trinité, c'est la guerre pour l'éternité. Quand le bien guide surgira, la justice s'établira. Le vrai croyant se réjouira et le mécréant périra. Quand le bien guide surgira, la justice s'établira. Le vrai croyant se réjouira et le mécréant périra. Quand le Messie arrivera, la vérité éclatera. Le vrai croyant triomphera et l'antéchrist succombera. Quand le Messie arrivera, la vérité éclatera. Le vrai croyant triomphera et l'antéchrist succombera. Des signes se sont déroulés, votre monde va s'écrouler. Vos drapeaux vont être foulés, sous nos pieds vos têtes vont rouler. Des signes se sont déroulés, votre monde va s'écrouler. Vos drapeaux vont être foulés, sous nos pieds vos têtes vont rouler. Mécréant de l'humanité, nous renions vos divinités. De Bouddha à la Trinité, c'est la guerre pour l'éternité. Mécréant de l'humanité, nous renions vos divinités. De Bouddha à la Trinité, c'est la guerre pour l'éternité. Mécréant de l'humanité, nous renions vos divinités. De Bouddha à la Trinité, c'est la guerre pour l'éternité. Mécréant de l'humanité, nous renions vos divinités. De Bouddha à la Trinité, c'est la guerre pour l'éternité. Mécréant de l'humanité, nous renions vos divinités.